C'est un peu de truc à mouchoir, l'autre dessous, non, le vide là, j'avais écrit quelque chose. Voilà, là, j'avais écrit quelque chose dessous. Thank you. Le truc commencerait à 19h30. Oui, non, mais je dois te le dire. Oui, d'accord. Avec de la crème, ça sera pas. C'est tiède. Oui, oui, mais ça ira très bien. Va le chauffer 2 minutes. Oui, ça, je crois que moi, je suis pas un problème.